Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbeau Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbeau Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbeau Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. On va parler de la Ligue nationale de hockey avec notre collaborateur Marc Fortier. Les Canadiens, autre défaite sur la côte ouest et ça commence à crier pas mal. Et quoi qu'il en soit, on en parle avec Marc. Salut Marc. Salut Danny. Marc, avant de parler du Canadien, je veux te parler des Remparts. Ça va bien? Surpris du début de saison? Comment tu entrevois ça? Ben, on est surpris, oui et non. C'est sûr que tu commences une saison 8-2. On a joué quand même 6 games sur la route, dont un voyage dans les Maritimes qui n'a pas été facile en jouant à Halifax, Charlottetown et Bathurst, un 3-3. Alors, c'est sûr et certain que de ce côté-là, on ne s'attendait pas d'être 8-2, honnêtement. Mais d'un autre côté, on n'a peut-être pas l'équipe la plus talentueuse, mais les petits gars travaillent tellement, tellement fort. Ils n'arrêtent jamais, des petits gars déterminés, acharnés. Alors, c'est sûr et certain que quand tu as une équipe comme ça, ça va te permettre souvent de remporter plus de matchs que tu vas en perdre. OK. Marc, je veux te parler du Canadien. Ça va défaite encore hier sur la côte ouest. Moi, je ne m'inquiète pas, mais en même temps, faut-tu s'inquiéter? Puis jusqu'où qu'on commence à... c'est quand on commence à... pas payer sur le bouton de panique, mais au moins s'inquiéter pour la saison. Parce que là, l'an passé, le Canadien, c'est le mois d'octobre qui l'a sauvé. S'il n'y avait pas le mois d'octobre, il faisait pas les séries. Là. C'est moi, j'avais dit les 15 premiers matchs, mais est-ce que si tu termines avec 3-12, quelque chose de même, t'es mal parti, là. C'est ça commence où, là? C'est sûr que c'est inquiétant dans le sens que il y a quand même, là, dans chaque conférence, si tu veux, là, il y a à peu près une quinzaine d'équipes qui se battent pour 8 positions. Hein. Ouais, c'est pas comme si si tu regardes dans le junior, là, c'est les 16 équipes sur 18 qui font une série. Alors, tu as un début de saison comme le Canadien, mettons, ben tu te dis, OK, on a encore du temps, il y a seulement deux équipes qu'il faut battre au classement pour pouvoir se classer. Mais quand tu arrives dans la Ligue nationale, puis c'est 8 sur 15 sur 16 là, qui doivent performer. Puis on connaît souvent, il y a des équipes qui ont des bonnes saisons, là, des bonnes saisons, puis qui manquent les séries par une couple de points, parce que ramasser 85 points, 90 points, des fois, c'est quasiment pas assez. Alors, c'est sûr et certain que le Canadien va devoir se replacer parce que là, ça, à un moment donné, tu sais quoi, c'est que ça devient pas seulement côté physique ou quoi que ce soit de perdre des games, ça devient côté mental où que les joueurs, à un moment donné, ils se remettent en question, ils perdent confiance, là, ça amène une énergie négative dans le vestiaire, puis là, c'est plus difficile de s'en sortir par la suite. Alors, c'est pour ça qu'ils vont devoir réagir rapidement. Mais, et là, tu sais, on avait dit comment va Carey Price, comment va le Canadien, c'est encore plus vrai cette année, sauf que Price, il faut qu'il soit pas bon, il faut qu'il soit excellent. Là, depuis le début de l'année, ça va pas tellement bien. Là. Je veux dire, puis ça s'est déjà vu dans le sport, là, Marc, un gars qui a signé un gros contrat, puis par la suite, ça se voit très très souvent. Puis par la suite, pour X raisons, ses performances diminuent. Et est-ce que c'est le cas de Carey Price? Je ne sais pas, mais ce serait pas impossible. Ben, tu peux pas, Danny, tu peux pas du jour au lendemain devenir pas bon. Non, mais tu peux être. Non, mais c'est parce que tu peux passer d'excellent à bon, par exemple. Oui, exactement. Mais tu vas toujours être un bon gardien si tu es un bon gardien. La seule affaire, c'est si à un moment donné que tu deviens attaqué mentalement ou ce que tu perds tes moyens, tu perds ta confiance, là, tu peux devenir un gardien qui est de passer d'extraordinaire à ordinaire. Là, tu comprends-tu? Puis on le sait très bien, là, ça fait 2 ans qu'on sait, Danny, que le Canadien va selon Carey Price. Alors, il doit pas être bon à tous les matchs. Il doit être extraordinaire pour donner une chance à l'équipe de gagner. Mais ça, c'est un malaise qu'on avait vu venir avant, puis qu'on a oublié ce facteur-là, parce qu'il était tellement bon, là, une couple d'années, Price, qu'on se disait que le Canadien va bien, ils ont une bonne équipe, ils sont bien balancés, tout ça. Mais c'était peut-être une fausse donnée, parce qu'on a eu l'exemple, quand il a été blessé, une couple d'années, quand il était blessé, l'équipe s'est mise à être très, très ordinaire. Alors, on s'est aperçu que les Canadiens dépendaient de Carey Price plus que les gens le pensaient. Alors, si là, il est juste bon, sans plus, ça ne sera pas assez pour le Canadien pour remporter des matchs. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Et le Canadien, est-ce que le club serait meilleur avec Markov, Yemelin, Beaulieu que Mété, Osner et Schumko? Ben, écoute, poser la question, c'est d'y répondre. Ouais, là. Ouais. Mais tu sais, moi, je ne mettrais pas Mété là-dedans, parce que lui, c'est un jeune, là, tu sais, il n'y a pas à être comparé c'est à des surprise, gens qui sont c'est établis. Une surprise aussi. Puis honnêtement, c'est pratiquement le meilleur défenseur de la gang présentement, là, avec Weber. Alors, tu sais, ça te démontre que quand un jeune de 19 ans est ton deuxième meilleur défenseur, ça va pas bien, là. Il y a des lacunes à quelque part. Alors, c'est sûr et certain que ce sont quand même de grosses pertes. Puis des défenseurs, là, dans tous les niveaux, là, même nous autres dans le junior, quoi que ce soit, des défenseurs, c'est une denrée rare. Alors, lorsque tu as des défenseurs établis, tu veux pas en perdre 3-4 d'une shot comme ça, parce que c'est sûr et certain que ça va avoir des répercussions sur ton équipe. Et puis, on s'en aperçoit avec le Canadien présentement. Oui, effectivement. Donc, Marc, je voulais te parler de Samuel Girard. C'est sûr que c'est même le Québec, mais ici, à Robertval, c'est encore plus gros. Au Lac-Saint-Jean, c'est normal. Là, c'est rare que ça arrive, un petit gars de chez nous qui fait la Ligue nationale, en plus, qui performe bien. Je pense que le dernier, c'est Michel Goulet et Perry Bonca. Ben toi, Samuel, restes-tu avec l'équipe? Ben, c'est sûr et certain que présentement, de la façon dont il joue, et également selon les besoins de l'équipe, parce que je crois qu'il y a quelques défenseurs qui sont blessés avec Nashville. C'est sûr et certain qu'on voit pas à court terme la possibilité de Samuel Girard de revenir avec les Cataractes. Mais tu sais, des fois, là, ça change vite là, dans le hockey. C'est sûr que là, ils vont l'analyser. Tu sais, le fameux règlement des 10 games, ça, il peut rester plus que 10 games. Là. C'est juste qu'après 10 games, il perd une année de contrat là, à son contrat existant. Mais il peut facilement jouer plus de 10 matchs, puis que, admettons que, je sais qu'Alice était blessé, je sais pas s'il est revenu au jeu, il y avait une couple de défenseurs qui étaient blessés. Dans deux, trois semaines, la situation peut être différente. Sauf que présentement, Girard démontre une chose, c'est que il va être capable de jouer dans la Ligue nationale. Là. C'est une question de temps. Si c'est pas maintenant, ça va être facilement, peut-être après les fêtes, ça peut être l'année prochaine, mais il a démontré. C'est ça qui était le plus important. Il a démontré, le petit gars, qu'il était capable de jouer dans la Ligue nationale. Écoute, pour l'avoir vu jouer assez souvent, là, c'est une tête de hockey au-delà de la moyenne. Là. Tu parles d'un hockey sense là, que tu retrouves pas chez beaucoup de joueurs. Alors, il compense sa petite taille par justement son sens du hockey, par sa rapidité, par sa mobilité, sa prise de décision. Alors, ça démontre qu'aujourd'hui, que le size, la grosseur n'est plus un facteur aussi important qu'il l'était peut-être 20 ans passés. Ben, ça dépend de la vision. Il est meilleur un peu que Mété, hein, parce que moi, on a souvent fait la comparaison, les deux. Quand Victor Mété était repêché par les Canadiens, on le présentait comme le Samuel Girard de l'Ontario. Puis l'année passée, au championnat du monde d'hockey junior, c'était les deux en compétition. Encore cet été, les deux en compétition. Tu sais, il y a une espèce de camp d'entraînement l'été, là. Il y a des matchs, puis il y a les deux encore en compétition. Mais je pense qu'il y a peut-être une coche en haut de. Peut-être pas une coche, mais une demi-coche en haut de Mété. Hein? Ben, moi, j'ai vu Mété, puis il est très bon. Honnêtement, okay. Il est très bon. C'est deux très, très bons défenseurs. C'est sûr que nous, on a vu Samuel aller un peu plus. On sait qu'est-ce qu'il peut faire. C'est extraordinaire. Mais tu sais, tu parles quand même de deux joueurs qui se ressemblent, deux joueurs de pratiquement le même gabarit, avec des têtes de hockey exceptionnelles. Alors, c'est sûr et certain que c'est beau de voir ça, des jeunes comme ça qui se démarquent à un aussi jeune âge dans une position qui n'est pas facile. Phil Desgagnés, la semaine passée, a dit sur les ondes de Danado Sport, puis il leur dit dans le quotidien hier que Samuel, la transaction qui a fait passer, qui a empêché le Canadien de repêcher Samuel Girard, va peut-être coûter le poste à Marc Bergevin. Moi, j'ai sursauté un peu quand Phil est arrivé avec ça. Moi, je pense pas que si Marc perd son poste, moi, je pense que c'est bien plus parce que le réseau des filiales n'a pas produit, puis le réseau de développement n'a pas produit, puis il n'a rien fait pour améliorer ça. Et es-tu d'accord avec Phil? Ben, je pense que c'est plus vers moi ou ni un ni l'autre. Ben, moi, non. On ne sait même pas si le Canadien aurait repêché Girard avec ce choix-là, parce que si je me souviens bien, là, ouais. Le Canadien avait trois choix de deuxième round. Trois. Deux choix de deux. Je ne suis pas sûr, c'est pas trois choix de deux, puis on a échangé deux. Okay. Anyway, c'est pas important, mais ouais. On ne sait même pas. Là. Il n'aurait peut-être même pas repêché Girard. Ouais. Là. Alors, c'est de la spéculation, et je pense pas que la job de Marc Bergevin va être mis en jeu par rapport à un choix de, qu'il aurait pu faire. Là. Ça va être l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Si les Canadiens font une série, puis qu'ils finissent promis, puis que tout va bien, pas sûr que Marc Bergevin va partir sa job parce qu'il n'a pas repêché Girard. Là. Mais il y a bien plus de chances que si le Canadien continue à mal performer. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu douté des choix de Marc de garder Thémène, de garder ses Lefebvre, par exemple. Moi, c'est, s'il y a jamais une décision qui va contre Marc Bergevin, ce sera peut-être justement par rapport à l'ensemble des décisions qui auront été prises, mais pas seulement à l'entour d'une seule décision. Marc, je pense que tu faisais partie des sénateurs d'Ottawa en 92, la première année des Sens, hein? Oui. OK. Là, je te parle de ça parce que les Golden Knights, 5 victoires, 1 défaite. C'est sûr que c'est un début de saison. Il faut pas, encore une fois, faut pas partir en peur avant les 15 premiers matchs. Mais là, ça se peut que les Golden Knights, à quelque part, fassent très bien parce qu'ils sont transportés par une émotion. Tu sais, la tuerie de Las Vegas, puis le fait que c'est Las Vegas, c'est une ville magique, et ainsi de suite. Sans faire les séries, ils peuvent-tu jouer pour 500? Oui, c'est possible. Ouais. Moi, comme je t'ai dit, à un moment donné, la poussière va sûrement retomber. C'est un début de saison. Ils sont amenés par l'émotion, comme tu l'as dit, tout ce qui s'est passé à Las Vegas, tout ce qui entoure. Ça me surprendrait, là, tu sais, encore une fois, il faut être dans les 8 meilleurs sur une quinzaine d'équipes dans leur conférence. Ça sera pas facile. Mais 500, tu fais pas série. C'est ça, 500, là, ça va être, c'est 82 points. Ouais. C'est difficile, là. Habituellement, ça te prend au moins 88-90 points là, pour minimum pour pouvoir passer 8. Sauf que c'est le fun parce que c'est intéressant d'aller de regarder cette équipe-là. La différence avec nous, admettons, en 92, si je me souviens bien, c'est que la liste de protection des équipes était beaucoup plus nombreuse que nous autres. Là, aujourd'hui, tu parles de 10 joueurs, je pense que chaque équipe devait protéger. Nous, à l'époque, c'était pas une quinzaine de joueurs. Là. Alors, c'est différent lorsque tu avais à choisir le 16e et 17e joueur d'une équipe, donc pratiquement au 11e, 12e aujourd'hui. Alors, ça te donne une qualité de joueur qui est meilleure. Et puis, ça permet justement à Vegas d'être capable de peut-être être compétitif plus rapidement. Ben oui, mais c'est sûr que tu payes. Sauf que quand tu payes 500 millions, puis tout le monde se l'accord que dit que ça valait pas ça. T'es en droit de demander peut-être un main. Puis à quelque part, Gary Bettman, pas fou, hein. Il savait que ça prenait quand même s'il voulait percer le marché de Las Vegas, il pouvait pas commencer avec une équipe comme les Sénateurs en 92, là. Il fallait que c'est plus compétitif. Les règlements ont changé, et heureusement, là, c'est bien correct. Moi, je trouve ça super correct, la façon que le règlement est fait aujourd'hui, comparativement à l'époque. Puis, tu sais, tu veux pas avoir des équipes... J'ai vécu les années de 31-32 points avec les Nordiques. C'est pas le fun, là. Puis tu souhaites pas ça, là, pour si tu veux remplir tes amphithéâtres, là, tu dois avoir une équipe qui est compétitive. Et puis, ça permet justement à Vegas là, d'être capable de compétitionner avec les bonnes équipes dès leur première année. C'est un marché à conquérir aussi, là. Absolument. Marc, un gros merci. Bonne chance, d'accord, avec les remparts. On s'en parle dans 2-3 semaines. Ça fait plaisir, Daniel. Collaborateur de hockey, Marc Fortier.